Tous les dimanches, il m'écrivait une lettre. Qui commençait toujours par ma grande fille. Elle s'habillait toujours de manière élégante, c'est-à-dire qu'elle trouvait toujours un habit, je trouve, qui la mettait en valeur. J'aimais bien les couleurs qu'elle choisissait, violet, mauve, vert, ce genre de couleurs que j'ai gardées aussi. Il écrivait la météo du jour, donc la température, s'il avait plu, pas plu, le lever du soleil, le coucher du soleil, et l'état des fleurs. Je me souviens très bien de comment il se lavait les mains, parce qu'il était chirurgien, et du coup il faisait vraiment mousser énormément jusqu'au coude. Et ça m'a toujours... Il détestait le rangement. Et... C'était un mélange de Michou, de Raymond Devos. Oh. Il aimait bien nous faire des balades dans la nature, des promenades. Il avait des mains avec un peu des taches marron dessus. On allait en voiture sur les plateaux, les... Puis il avait une magnifique chevalière aux doigts, aux petits Toutes doigts les zones géologiques, en fait. gauche. Parce qu'il aimait bien expliquer les... Des ongles très soignés, un peu vraiment Toute la topographie, comme on l'origine pourrait des... imaginer des ongles d'un homme du 19e siècle. Les érosions, les pierres, tout ça, et... Je me rappelle sa grande veste verte, pâle. Elle pouvait tourner beaucoup de choses, son bracelet, sa bague, remonter ses lunettes, etc. Je me souviens de leur voix, je me souviens presque de tout ce qu'ils disaient, en fait. Ah aussi, il était très très très poilu. Et je me souviens d'une journée à la plage où je me suis allongée et j'ai regardé l'horizon à travers ses poils, quoi. C'était très important pour lui de compter le nombre de petites cuillères qu'il avait après chaque repas. Après, pouvait radoter, donc je lui disais, tu radotes. Tu l'as déjà dit, non? On répète pas. J'ai sa mallette de médecin, stéthoscope, portefeuille en cuir, veste. Ça manque de... Une brosse à cheveux, un parfum, enfin, tout que très viril. Plein de petits objets qui sont restés là, un peu comme des indices. J'aimais la manière dont il... Après, elle pouvait radoter, donc je lui disais, tu radotes. Tu l'as déjà dit, non? Ouais, On ça répète m'a... pas. Il aimait beaucoup les... Il aimait pas trop quand il y avait beaucoup de monde autour de lui. C'était vraiment pas une personne sociable. On mangeait de la soupe au poisson, si elle me coupait des petits morceaux de pain à côté. Des fois, ça me vient dans des rêves, mais... De temps en temps, en farfouillant dans des papiers, je retombe sur des photos de celui-là. Je me souviens de leur voix, je me souviens presque de tout ce qu'ils disaient, en fait. C'était dans... Je sais pas si on peut vraiment... Ouais, c'est... Bah, j'ai eu quelques larmes, mais... Je sais pas du tout si... Je sais J'ai pas, mais pensé à je... une chose, puis je l'ai oubliée. Parce que j'aimais la manière dont il... C'est cool. Elle m'a laissé une guitare électrique, mais... J'arrive plus à en jouer. Je l'ai mis dans son étui, mais je ne l'ai plus sorti, la guitare. C'est un trésor. Ce qui est fou, c'est que je me souviens du numéro de téléphone qu'on avait. Et c'est hyper important pour moi, de temps en temps, je me réveille la nuit, je me dis oh, « Alors, c'était quoi notre numéro de téléphone ?» Je m'en souviens, je me dis « Ok, ça va. » J'essaye d'écouter leurs consignes dans ma tête. Parfois, ça me manque de juste pas pouvoir l'appeler au téléphone. Je lui dirais juste bah, comment ça va. C'est une compagnie quasiment. C'est devenu une compagnie, du coup. Moi, je parlais librement avec elle de la mort. Je disais, bah, écoute, tu viendras me hanter. J'ai dit.